Direct des studios Young Media, vous écoutez l'épisode 6 de la saison 2016-2017 de la soirée du podcast. Yeah! L'alignement de départ pour le podcast de ce soir, le numéro 75, JF Cromp, et le numéro 31, JF Mallette. Ouais. Infériorité numérique. Ouais. Nous sommes une émission de discussion ouverte sur le Canadien de Montréal et la Ligue nationale de hockey, et on vous en parle, bien sûr, avec passion et boisson. Des sujets chauds couverts par des gauchos en désavantage numérique. On va aller vous expliquer pourquoi, d'ailleurs, dès maintenant, on va aller faire l'entracte. Excuse-moi, Jeff, il y a comme des petits problèmes avec le soundboard. Là. On dirait que ça sort très, très fort dans nos oreilles, puis pas fort du tout dans le soundboard. Ouais, fait qu'on est allé au Geekfest. Ouais, puis, ça a bien été. Ouais, tu nous as manqué d'ailleurs, Jeff. Ouais, raison personnelle, je dirais. Non, mais ça, dans le fond, ce qui explique le désavantage numérique de ce soir, c'est parce que on a fait 3 podcasts en 3 semaines, dans le fond, là, où on est le 3e. Puis toi, dans le fond, t'es en pénalité là, parce que t'étais pas là. Fait qu'on t'a fait revenir pour. Dans le fond, c'est moi qui t'as pénalité parce que c'est moi qui tape 3 shows en 3 semaines. C'est ça. Fait que ouais, ça donne que les gars sont pas disponibles ce soir, puis nous, demain, on va tous au Centre Bell voir la game. Fait que. On va faire quand même un petit show. On ne voulait pas vous laisser 3 semaines sans épisode. Là. On a pensé à vous autres. Fait que, GF, le Geekfest, on était là. On fait un petit 45 minutes. Là, ouais, c'était un bon tassé. Show. Ouais, je suis quand même bien satisfait. Le show était le fun. L'ambiance était quand même cool. Il y avait du monde qui était venu pour nous voir avec des jerseys de hockey. Ok, c'est bon. Il y avait comme 3... Il va y avoir 4-5 personnes. Là, ah, okay. C'est cool ça. Du monde qu'on connaît, genre? Ou... Ben, de certains de nos fans qu'on savait pas c'était qui. Du monde qui sont des fans depuis longtemps, qui sont des fans silencieux, je te dirais. Là. Ah, ok. Bon, mais good. Mais merci d'être venu voir l'équipe. Drôle d'emplacement. Bizarre pour l'acoustique. Ben, c'est ça, c'était spécial, dans le fond. C'était comme si c'était dans le jungle. Ben, c'était dans la jungle intérieure, là, mais le jardin intérieur. Fait que c'est comme un genre de serre avec des gros... Les étudiants, font quoi là-dedans? Ils chillent. Mon frère, il dit qu'il dormait là, entre ses cours, dans le temps qu'il était au cégep. Pour vrai? Ouais. C'est zen, genre, on entend des oiseaux? Ou... Ben, il n'y a pas d'oiseaux, là. Mais c'est des vrais feuilles ou c'est des feuilles en plastique qu'il y avait là? Je sais pas, mais ça tombait sur la table pendant qu'on podcastait. Ah ouais, c'est... Mais le fait que c'est tout en vitre, puis c'est immense, c'est comme des plafonds de 100 pieds, ça fait que c'est écho un peu. Fait que je sais pas, c'était bizarre un peu, puis... L'année passée, on avait un écran, cette année, on n'avait pas. C'était dommage. Là. J'aurais aimé ça pouvoir passer. On voulait te mettre un extrait de toi qui fait des call-outs. Je vais pouvoir garder ça pour un autre moment d'année là, parce que j'ai de quoi des pics à vous annoncer. Ben, à vous annoncer et à faire plutôt. Là. Oh, ouais. Je pense que je le garderais peut-être pour le spécial de Noël, mais il faudrait qu'on soit à l'extérieur, par exemple. On va faire fret un peu avec l'équipement. On ne peut pas faire ça. On peut te faire un mallette en quête qui fait de quoi. On verra, on va organiser quelque chose. Ben ouais. On va trouver des solutions. Mais ouais, fait que le Geekfest, j'en parlerai plus longuement dans la jasette. Attends. Parfait, je vais être à l'écoute. Écoutez ça, la jasette, épisode 55, on va enregistrer après cet épisode-ci de la soirée du podcast. Fait que, avant de commencer, JF, les positions du pool de la soirée du podcast, ça va pas très bien pour tout le monde, je te dirais. Non. En première position aujourd'hui, on est le 11 novembre, Trump est président des États-Unis, c'est un autre sujet. Numéro 1, Yannick Wiesel. Numéro 2, Caroline Langlois. Fait que Caro qui est encore dans le... Elle est encore dans le top 2. Elle est encore dans le top 2 puis elle est encore en haut de Marthe. Fait que ça, c'est très drôle. Troisième position, Alexandre Brisebois. Quatrième position, Thibaut Eve. Et puis ça, c'est très drôle parce que dans l'autre épisode, on a dit que c'était probablement un nom qui avait été écrit à l'envers. On se disait que c'est peut-être Eve Thibault. Fait que c'est une fille, tu sais, c'est cool. Finalement, c'est un gars qui nous a écrit, puis c'est quelqu'un de la France, je me souviens bien. Oh! Fait qu'on le salue, un auditeur français. Ben oui, salut mon pote! Fait que finalement, son prénom, c'était Thibaut, alors qu'on a comme inversé, nous. Puis un Français est après clenché quasiment toute l'équipe du podcast. Mais non, il clenche tout le monde de nous autres. Mm-hmm. C'est bon, ça. Puis le numéro 5, c'est un gars qui s'appelle Wolfgang Housseau. Est-ce que c'est un Français, ça aussi? Peut-être, je le sais pas. Ça sonne pas très québécois, fait que... Mais on sait jamais. On te respecte. <Tout ça. rire> Puis, ben après ça, les positions pour les membres de la soirée du podcast. En 6e position, Alex Galipo, qui est pas loin quand même. Après ça, ça monte à Dave Thibodeau, 18e. Dave va remonter quand même. Hein. Oui, ils sont une bonne lancée, je dirais. Ensuite, Alex Kromp, 28. On a Mart Vero, 33. Jeff Kromp, 35. Oh yeah, j'ai remonté de beaucoup. Là. Je suis rendu dernier. J'étais dans 60 quand j'ai commencé. Et toi, t'es 50e, Jeff. Tabarnak, que j'étais 45 lundi. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as fait des mauvais échanges au mois de novembre? Je pense que l'excuse que je pourrais utiliser, c'est qu'à cause du camp, pas du camp, mais de la Coupe du Monde, je pense, j'ai comme l'impression qu'il y a des gars qui commencent là, tu sais, que j'ai Bergeron, esti, puis il produit pas, mais il joue bien. Ça fait un mois, là, fait que ça peut changer assez rapidement, puis je le souhaite, parce que sinon, je peux pas faire des 10 échanges, là, je tricherais pas quand même. Ah, écoute, on sait jamais avec toi. T'as peut-être, c'est toi qui l'a comme tweaké le pot, là, t'as peut-être fait des petites affaires croches en arrière? Bah non, je suis pas comme ça. Non? Fait qu'on va aller faire la première période là-dessus. Les portes s'ouvrent pendant qu'on est là. Les chats rentrent, d'après moi. Hey, ici, c'est comme un zoo, c'est malade. Fait que JF, on va commencer. On va refaire le résumé des matchs, dans le fond. Fait que tu vas pas commenter probablement les matchs que tu as manqués pendant que tu n'étais pas là. Oui. Qu'on a parlé dans l'épisode au Geekfest. Donc, 29 octobre contre Toronto, on a une belle victoire de 2-1. C'était Price qui était dans les nets. Premier game qui nous sauve le cul. Oui. La première de l'année. La première d'une longue série qui s'en vient. C'est bon, oui. Après ça, le 2 novembre, contre Vancouver, une victoire de 3-0. C'était Price dans les nets. Encore là, on avait peur que le slum commence. Que l'année passée, c'est là que ça avait cassé la saison. Là, c'est vrai. On a perdu 5-1 contre Vancouver l'année passée. Après ça. Puis non, finalement, une belle victoire. Après ça, le fameux 4 novembre au soir. La tabarnak. Contre Columbus, la fameuse défaite de 10-0. Montoya dans les nets, est-ce que j'ai besoin de te le rappeler? Ok, je pensais que t'avais. Non, mais. Non, je m'en avais pas mis dans l'extrait tout de suite. C'est ça, je me le disais. Je disais, il pèse sur le bouton, j'attends pas. Écoute, le sujet, je pense, chaud de ce match-là, c'était est-ce qu'on aurait dû ou pas enlever Montoya du net. Moi, je vous écoutais vos commentaires. Ouais, je suis d'accord avec. J'étais d'accord avec mon chum Alex Galipo. C'est rare. On va le mettre sur le papier, ça. Ouais, d'accord avec lui. Je l'aurais gardé Montoya, moi, de la game, comme que t'as rien fait. Puis la raison pourquoi, c'est que Columbus, je trouvais qu'il crashait le net en esti. C'est incroyable. Ouais. Imagine, mettons qu'on perd 8-0 après 2, tu mets Price en 3e, il crash le net, puis Price se reblesse pour la saison. On aurait eu l'air de quoi? Ben, c'est ça. Ça m'a pas dérangé qu'il le laisse. De toute façon, rendu là, le mal était fait. Puis c'est clair qu'ils ont parlé avec Montoya entre la 2 et la 3. Après, c'est gars, prends-la pour le team. Là. C'est ça. Puis le positif de tout ça, c'est qu'on a perdu. C'est notre seule défaite de l'année. Là, c'est 10-0. Mais ça fait mal. Si t'as perdu 2-1, là, il aurait peut-être pas pris au sérieux, dans le fond, les lacunes qu'on avait. Qu'avant ça, il y a eu des games que Price a sauvé le club, là, qu'on méritait pas de gagner aussi. Là. Ben, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, il faut que les gars ils disent qu'ils sont. On la sentait venir, puis Michel Therrien la sentait venir aussi. D'ailleurs, on fait pas ça d'habitude, mais là, j'ai un extrait audio de Therrien. Je propose qu'on le passe tout de suite. Ah! Qui revient sur la défaite de 10-0. C'est ça, les ici. Je pense qu'ils ont donné. On le voyait venir comme au baseball. Là. On sort d'une série mondiale. Là. On voyait ça venir comme une grosse, grosse curveball. Aussi longtemps que tu te brûles pas. Il y a jamais de bonnes choses qui vont arriver. Qu'est-ce qui te permettait de voir venir ça? Là, On jouait dernièrement. Michel, je pose la question pour les amateurs parce que Price n'est pas allé dans le match. Vous avez gardé Montoya. Ça semble évident, mais est-ce que tu voudrais l'expliquer pourquoi vous avez gardé Montoya dans le match? C'était très difficile comme décision de laisser Montoya là. On a pris une décision en équipe. Mm-hmm. On a communiqué avec tout le monde dans le milieu de la deuxième période. Stéphane est allé parler à Hall entre la 2 et la 3. Il explique la situation. De la passerelle, évidemment, après 4, 5, 6 buts, on regardait, et puis Price, je le voyais gesticuler comme se préparer. Est-ce qu'il t'a demandé, lui, après la 2, de y aller devant le filet? Comment un coach gère ça, un match comme ça, Michel? C'est difficile, je me souviens pas d'avoir déjà vécu ça, donc il n'y a rien de positif à garder du match de ce soir. Faut penser au prochain. Là. On a la chance de jouer demain. C'est parce que tout allait mal ou c'était... Tu parles d'un manque d'effort? Non, c'est vraiment que tout allait mal. Puis... Rien n'y avait rien de notre côté à soir. Oh, la poque roulait pas de notre bord. Là. Pas en tout. Mais il y en a fait que je suis pas d'accord avec Michel, par contre, qu'est-ce qu'il avait dit? De? Il dit qu'il n'y a rien de possible de cette défaite-là. Moi, je pense que, comme je voulais te dire tantôt, là, c'est que si tu aurais perdu 2 à 1 là, puis qu'on avait des lacunes puis on le voyait venir, là, ouais, ouais. Ça aurait comme fait « Oh, on a perdu 2 à 1, c'est pas si pire que ça. » Ben, en imaginant une claque sa gueule à 10-0, là, écoute, tu t'en souviens en crise de cette défaite-là. Parce que j'ai comme l'impression que c'est peut-être pas ça qui est arrivé, mais les coachs ont voulu donner une leçon aux joueurs. C'est comme « Ok, mes hosties, vous voulez vous pogner le cul, mais je vais vous laisser vous faire humilier vous-même. » Parce que c'est pas le coach qui jouait, là, c'est les joueurs qui jouaient comme la merde cette game-là. Ah, oh, tout à fait, là. Puis Weber, là, il a fini avec un différentiel de 0. En plus, ce game-là, ça monte-tu à peu près? Genre, c'est qui se pognait le cul et c'est qui se le pognait pas, genre? Non, ben c'est clairement rarement Weber depuis le début de saison qui était blâmé. Là. Il serait tout le temps dans les plus pour moi. Là. Non, c'est ça. Puis une autre affaire, je ne sais pas si tu avais remarqué. Ben, premièrement, il y a certaines personnes qui ont chialé parce que Weber s'est pas présenté à la fin du match pour commenter avec les joueurs. Fait que là, il a laissé Pacho tout seul. Mais tabarnak! C'est Pacho le capitaine. Là. C'est Pacho le capitaine. Weber, il a pas juste présenté, mais Pacho, il a dit le contraire de ce que Terrien a dit dans l'audio. Il avait dit... C'est par rapport à la décision, là? Oui, il a dit, c'est pas ma décision. Puis Michel, il avait dit, on a pris une décision en équipe. Ouais, puis lui, il a dit, non, c'est la décision des coachs. Tabarnak! C'est comme Pacho, là, Chris. Essaye de dire comme ce que ton coach dit, là. Tu vas avoir l'air moins cave, là. C'est... Ben, il a l'air d'un esti de cave rendu là. Puis, écoute, on va peut-être en parler un peu plus longtemps, là. Mais ça, par contre, là. C'est une équipe qui est molle. Pacho Reddy, c'est mou comme de la merde. Non, mais c'est vrai. Ah, c'est. Je l'ai dit dans mon update, là. Mais c'est comme si Pacho était en crise d'identité, ces temps-ci. Il essaie de se transformer. En tout cas, je vais me retenir là, parce que la tension monte. Je commence à avoir chaud. Je vais prendre une gorgée de bière. Non, mais tu pourrais y aller si tu veux. Mais sinon, on peut continuer dans la description des matchs qui s'est passé. Ça serait plus facile. Après ça, 5 novembre, une victoire de 5-4 contre Philadelphie. Price était de retour dans le filet. On a failli l'échapper, celle-là, en tout cas. Ben, on jouait comme des c'était dégueulasse. C'est pas mieux, Price là. Était là. Quand encore. Price est là, ouais. Il en a quand même laissé passer 4, mais on a réussi à la pogner, celle-là. 8 novembre contre Boston, une victoire de 3-2. Tout était présent, là. Oui, c'est la game cette semaine mardi que je suis allé au Centre Bell avec mon frère. Puis Alex était là dans les loges. On s'est vu des estrades, moi et Alex. On s'est fait un salut. Là. Oh! Il était en haut. Là. Fait qu'on avait des journalistes sur place. Ouais, ben la moitié en fait du team était là de la soirée du podcast. Là. Puis toi, qu'est-ce que tu aurais à commenter de ce match-là, dans le fond, là, vite, là, si tu aurais résumé ça? Là. Ben, je vais en parler tantôt plus pour les joueurs, mais Weber, un méchant joueur. C'est impressionnant, là. En live, là, il est impressionnant. Puis il a fait une couple de gaffes, il échappait à puck, il faisait des revirements, puis c'est lui qui se reprenait tout le temps, tout de suite après. Fait que c'était pas des fautes qui étaient comme qui payaient genre le prix, là, mettons. T'sais, il était capable de corriger ses propres erreurs. Il était capable de se ramener et de corriger ses erreurs, ouais. Fait que ouais, ça, Markov est rendu slow. Ça paraît. Même à TV ou sur place, ça paraît. Pacho mou comme la marque, dernier tout le temps sur le cul, là. Mais bon, on est allé chercher une victoire quand même de 3-2. Price a scoré dans son net. Encore grâce à Price. Ouais, qu'est-ce qu'il y a fait? Ben, c'est comme c'est la malchance. Ouais, ça rebondit dans le fond en arrière. Puis c'est revenu sur en arrière de son coude. Puis ça rentre dans le net. C'était une totale malchance. Puis là, c'était comme... Je pense que c'était 1-1. Puis ça a donné 2-1 pour Boston. Puis je me suis dit, là, il faut... Les gars, au moins, ils en doivent une à Price. Like, toutes les fois que ça les a sauvé le cul, Price qui soit dans les nets. Faites de quoi? Puis ils sont allés scorer. Je pense que Galchenyuk a scoré tout de suite après. C'est là. Ça fait 1-1. Puis là, il est allé scorer. Ça fait 2-1 pour Montréal. Après ça, ils ont fait 2-2 ouais, en troisième. Ouais, c'est ça. Fait que au moins, il y a ça, on a bien répondu parce que là, c'est écrit son nombre d'erreurs que Price y fait. Ça, c'était vraiment comme pas de sa faute. Je pense que c'est de la malchance, là, plus que d'autres choses. Là. Ouais, rendu là probablement. Là. Après ça, hier, 10 novembre, contre Los Angeles, une victoire de 4-1. Puis sur toutes les games que tu viens de nommer, là, c'est la seule game qu'on a donné moins de 30 tirs au but. Parce ouais, que c'était tout le temps 40 shots par game ou presque. Tout le temps. C'est un peu. Ça, c'est inquiétant. Je sais pas, qu'est-ce pour toi ça ressort, ça, qu'il y ait autant de... Ben, c'est l'exécution, mettons, défensive avec les avants, là, parce que d'après moi, tu mets un gars comme Plekanec à la glace, il l'a pas pantoute cette année, il suit pas le pace. Puis parce que, dans le fond, Terrien aime ça, dire pace ces temps-ci, là, fait que c'est rendu que c'est dans mon vocabulaire régulier. Puis Desharnais, là, tout a été au match ouais, contre Boston. Peux-tu me le confirmer? Parce que moi, c'est ce que je vois à TV quand on le voit, là. Il back pas, c'est-tu, autant. Ah non, il est mou, là. Il est terrible. Là. Fait que la zone neutre, ici, c'est un free-for-all. Puis notre défensive à gauche, là, je trouve qu'elle est vraiment faible. Puis j'ai comme l'impression que le monde passe du côté gauche. Pourquoi tu passerais à droite quand tu sais que tu vas te faire tuer par Weber? Petrie est capable de couper des jeux. Puis après ça, t'avais ouais, Patrick qui frappe un peu. Petrie, t'as fait une solide mise en échec en début de game contre Boston. Ça, là. Ça me surprend parce que je pensais pas que Petrie, dans le fond, c'est un gars qui pouvait frapper en plus. Fait qu'il a l'air d'être un genre de défenseur un peu complet qui va s'acheter par rapport au style de match c'est qu'il une, va avoir. C'est une bonne signature de Bergevin, ça, Petrie, de l'avoir dans l'alignement. Là. Ouais, puis il reste encore. Là, c'est sa 5e année. Fait qu'il reste encore un autre 4 ans l'année prochaine avec nous autres. Fait que je suis bien content de l'avoir. Mais je pense que c'est juste ça. C'est une question d'exécution. C'est incroyable comment que les gars, les palettes, ils tiennent pas les bâtons, tu sais, bien solides là. On a deux trios qui marchent comme tout croche. Esti, c'est dégueulasse, là. Ouais. C'est ça, c'est le deuxième puis le troisième. On a juste le premier qui marche avec Chucky puis le dernier avec Dano. Ben là, dans le fond, Dano, il est plus là. Ben là, ouais. Puis là, le premier marche bien avec Byron. En tout cas, là, justement, on a fait le tour des matchs. Allons-y avec nos plus et nos moins. Ouais. Plus ou moins, tu veux commencer? On peut commencer avec nos plus. Restons positifs un peu. Ben, je pense que là, on peut comme déjà, pour la saison complète, enlever Price, là, finalement, des plus. Là. Ah, on n'aura pas le choix parce qu'il va nous sauver le cul à plusieurs reprises. C'est pour ça que la petite... D'ailleurs, t'as acheté le Funko Pop. C'est notre porte-bonheur pour LSDP maintenant. Là. Carey Price. Et voilà, il porte déjà son pinch des playoffs. Là. On voit qu'elle est brune au lieu d'avoir les cheveux noirs. Il est quand même très bien fait. J'ai assez chance d'un petit magasin à la prairie. Là, puis bien content de notre AG Collection Plus, c'est ça? Exactement. Hey, ce gars-là, là, il va nous sauver le cul toute l'année, esti. Puis présentement, là, y a-tu un autre joueur plus que lui qui mériterait le heart à l'heure actuelle? Oui, c'est tôt, c'est au mois de novembre, mais ouais, tabarnak. Ouais. Enlève Price d'un net, esti. Là, les games à partir de Vancouver, on les aurait toutes perdus. Il est pas humain, ça n'a pas de bon sens, les saves qu'il fait. Il est tout le temps à bonne place. Puis ça, c'est l'autre affaire que j'ai remarqué d'être au Centre Bell. Moi aussi, comme mon frère l'avait dit dans un épisode avant, il est tout le temps à bonne place. Ça a l'air tellement facile pour lui de jouer. Puis c'est parce qu'il est trop en contrôle. Il anticipe les jeux tout le temps. Il est là à la bonne place, il se place, il est là d'avance. C'est comme s'il anticipait le jeu avant qu'il se produise. Les arrêts impossibles, il est fait. Comme pour lui, ça a l'air pas si difficile que ça. Fait que vraiment, là, c'est tout un goaler qu'on a là entre les mains. Il va coûter cher. C'est quelque chose que j'ai vu passer sur Twitter aujourd'hui en spéculation combien il devrait gagner éventuellement. Qu'est-ce que ça a été dit? Il se disait autour de 10 millions par saison. Parce que le max, c'est 10,5. Il y a un maximum à ce Oui, avec la convention. Puis je pense que ceux qui sont payés de même. Je me souviens plus si c'est 10,5 ou 11 millions. Faudrait que je le vérifie. Là. Mais il peut pas dépasser ce cap-là. Fait que. Il va coûter cher. Écoute, on risque de perdre des gros éléments pour pouvoir signer Price, à moins que la masse salariale augmente d'ici là. Ça peut être possible. Là. Ben, il y a un commentaire justement que quelqu'un m'avait dit aujourd'hui. Je ne savais même pas, je n'avais même pas entendu. Ça a l'air que Matt Babcock, quand il parlait de Price pendant la Coupe du Monde, là, il a dit ça, c'est de l'athlète là, qui dépense aucune énergie pendant un game. Il disait, après avoir gagné goal in game, il faut faire 30 arrêts. Il n'y aurait même pas une goutte sur la tête. Il est trop bien placé. Il bouge quand il faut qu'il bouge, mais il va pas comme... Il fait pas de parage, là. Est... Ben, c'est ça. Écoute, c'est spécial. Là. Moi, j'ai toujours cru en lui depuis qu'il a été repêché. Puis encore cette année, on dirait qu'il est meilleur que l'année qu'il a gagné le Hart. Puis là, c'est le pire, c'est qu'il est encore un petit... Tu sais, on n'est pas dans la... Quand ça va compter vraiment, là, en série, si Price, s'il vous plaît, peut rester en santé, là. Écoute, je pense que cette année, là, on pourrait aller loin de JF. On va retourner en finale de conférence. Ouais, il faudra voir si on va se rendre jusque-là, puis... Faut rester positif. Faut rester positif, faut améliorer notre top 6. Je pense à ça, tabarnak. Quoi? Okay. J'avais dit que j'achetais rien du Canadien, est-ce que je s'achète un Funko Pop de Price? Fuck! Ah, les fans en ce moment sont tous très déçus. Tu vois, je suis bandé Price. Là. Ouais, mais ça compte pas parce que t'es déjà vendu Price d'avance. Puis Price, on sait qu'il est bon tout le temps. Fait que j'ai acheté l'individu à la place d'avoir... Ouais, c'est ça. T'as réussi à contourner. On t'a laissé passer comme un offside, celle-là. Ouais, fait que ton plus, sinon, autre que Price... Ben, Philippe Dano. Ah, excellent choix. Hey, on l'a-tu crossé Chicago quand on a échangé Weiss là-bas, là? Tabarnak. Parce que moi, je le connaissais pas trop. Je savais que c'était un Québécois. Fait que je disais, OK, c'est bon. Mais c'est Bergevin qui l'a repêché, ce gars-là, à Chicago. Fait qu'il connaissait déjà d'avance. Là. Il savait, Anastie, qu'est-ce qu'il avait entre les mains. Puis c'est surprenant que Stan Bowman l'ait laissé passer parce que Dano, il gagne pas bien cher cette année, là. Mais, dans un team comme Chicago, qui sont déjà en puissance, il y a peut-être moins sa place. Ou Canadien, on a de la misère en attaque. Fait que lui, il est rapide, il est petit, il va vite. Puis c'est ça, mais il a arrêté comme pratique là. Chicago, ouais, mais Chicago, tu as déjà Tays, on a plein d'autres qui sont capables de faire ce job-là. Fait que c'est peut-être pour ça qu'il n'en avait finalement pas de besoin. Puis ils ont voulu aller chercher un gars comme Weiss qui est plus. Ah, c'est ça. OK, toi, tu parles d'affaires par rapport à l'année passée, surtout. Là. Ben, le trade, pourquoi il l'aurait échangé? Ouais, parce que les autres, ils voulaient avoir comme un gars d'expérience. T'sais. Peut-être, tu sais, un gars qui va faire un peu plus de grinding que Dano. Là. Mais il patine bien en Chris. Ouais, il est très bon. Puis écoute, je suis content parce que là, je suis dans le fond. Là. Je l'ai dit ici. Oh, je suis content. Là, je suis content. Puis je suis content d'en parler aussi. Il patine bien. Je pense qu'il y a 5 buts à date cette année. Là. Lui et Tory Mitchell, là, c'est un beau duo. Là, ils ont séparé. Mais là, dans le fond, là, si toi, tu aurais un choix à faire là, demain, là, ouais. Tu mettrais-tu Dano au centre, sa troisième ligne, ou tu mettrais des harnais? Ben en ce moment, Dano, parce que pour tout ce qu'il a fait des dernières games, il mérite sa place en ce moment. Là. Il est plus efficace. Moi, j'ai toujours pensé que Dano serait notre prochain Carbo. Ah, peut-être pas jusque-là, mais... Tant mieux, ça arrive, là. Mais je suis pas sûr que c'est jusque-là qu'il va être rendu. Non, moi, je suis parti sur un nuage. J'ai signé une ballon. Ah oui, je suis content. Je suis content d'en parler aussi. Philippe Dano. Philippe Dano. Puis donc, excellent. Je vais donner mon plus, puis ça, c'est l'affaire que j'ai vue aussi quand j'étais au Centre Bell. Paul Byron, notre nouveau first liner. Si, ouais, il sort de où, lui? J'ai jamais vu en personne, mais ça a l'air qu'il est super vite. Il travaille vite, beaucoup. Ouais, il est très rapide, puis il travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là. Puis c'est pour ça qu'il y a autant de buts. Puis Radu aussi, je donnerais un plus. Ce gars-là travaille, ça n'a pas de sens. Là. Il a veut là, la victoire, lui. C'est un de ceux qui travaille le plus fort en ce moment, c'est à la glace. Pour le Canadien, je trouve. Il était temps qu'il le mette avec Chucky parce qu'on voyait oui. que ça marchait pas oui. pantoute avec Plecky. Mais l'affaire aussi, Dave, il en avait parlé sur le chat cette semaine. Là, je pense qu'il y a à peu près 8 ou 9 passes. C'est des premières passes, c'est-tu? C'est 8 passes sur 9, c'est des premières passes. Fait que c'est des passes qui mènent directement à un but, dans le fond. Exactement. C'est pas lui qui score, il en génère quand même beaucoup des buts. Puis il a l'air d'être mindé, là, ça la glace. Il y a beaucoup plus de... Il est impressionnant à voir en vrai aussi. Ben, parce que dans le fond, à TV, quand tu le vois, c'est sûr que c'est impressionnant, mais quand tu le vois en vrai, là, je pense que c'est différent. C'est que tu le vois plus encore l'explosion sur patin. Ouais, ouais. Puis je me demande si... Tu sais, moi, un gars qui m'a impressionné beaucoup sur la glace dans le temps, c'était Kovalchuk, parce que quand il rentrait dans la ligne bleue, là, c'était une fusée vers le net. Est-ce que Radu, il est vraiment explosif? Ben, pas autant que ça, mais il l'a un peu quand même, mais je te dirais que c'est plus sa vision du jeu. Il explose pas tant que ça, mais il travaille fort tout le temps. Il est tout le temps en mouvement, il est tout le temps un peu en déplacement, il est temps rapide, là, fait que ça aide beaucoup pour lui, là. C'est ça, parce que tu sais, des fois à TV, tu remarques pas ces petites affaires-là, mais quand tu es sur place, tu as la chance de regarder le joueur au lieu de regarder vraiment les autres que tu te crisses. Ben, tu suis la rondelle, mais tu vois pas ce qui s'était passé. Hein. Des fois, la caméra se déplace, tu remarques pas vraiment, mais là, ben, tu vois ça. Qu'il travaille beaucoup plus, puis il est tout le temps. Petits détails. Il est tight. Mais il y a une affaire aussi que TVA, ils ont parlé de Radulov, là, c'est on le devrait-tu le signer tout de suite? Moi, je pense qu'on devrait se calmer un peu. Non, il est trop, trop tôt. Là. C'est un mois qui risque de jouer. Il y a quoi? Il n'y a même pas. Il y a même pas 15 games de fait. On s'en va à la 15e game demain au Centre Bell. Oublions pas que c'est un russe, là, fait que faut se calmer ouais. là avec ça. Là. Attends qu'on va voir après les fêtes, voir qu'est-ce que ça dit. Ah, c'est ça, là. Fait que nos moins, il nous reste un petit 5 minutes, je pense, pour la période. Ouais, 4 minutes. Fait qu'on va faire nos moins pour. Ouais, là, je vais me laisser emporter parce que j'en ai deux en tête. Là. Moi, j'en ai un. Vas-y donc. Que j'ai oublié, fait que je vais te laisser aller. C'est bon, ben moi, pour commencer, c'est Desharnais. Il était-tu tant en esti que t'as rien écrit ça sur le bench, là, dans les estrades? Il est dégueulasse, Desharnais, tabarnak. Tu sais, il a 30 ans, esti, puis il suit plus. Il est trop petit, les joueurs sont trop gros. Il a 5 pieds 8, esti, puis il faut qu'il aille dessus. Ah, c'est dégueulasse. Moi, je l'aime pas, Desharnais, là, puis je pense que c'est rendu trop personnel, là. Mais. Ouais, en plus, là, l'autre fois, il y a eu Pacheco qui a dit qu'il aimait mettre Perry avec Desharnais. Hey, t'sais, à un moment donné, c'est comme ta gueule. Comme Dave aussi, où il a sorti l'autre fois, t'sais, il produit pas plus Pacheco avec Desharnais. De ce temps-ci, c'est tout à sur le cul, le petit nabo. Hein. Ouais, c'était comme deux fillettes ensemble sur le même trio. C'est dégueulasse. Et la game contre Columbus, le dernier, il était à moins 4. C'est dégueulasse, là. Je comprends pas. C'est. Puis, écoute, je pense qu'il devait rester là. C'est sa dernière année de contrat. Si Dano joue bien, puis ça devient constant, là, mais tabarnak, dernier, je pense qu'il va leur crisser à l'aide, puis à un moment donné, ça va être un gars à réserve. Il jouera pas souvent. Ben, il est à la fin, là, lui-là, à Montréal. Là. Puis c'est dommage parce que 30 ans, mais tu vois, c'est ça qui se passe quand tu consommes un petit peu trop aux 10-30. Fait que, il y a lui, puis dans le fond, j'aurais même dit son partner, Pacheco. Ah ouais? Parce que Pacheco, là. Dans ta tête, à toi, si tu penses à Pacioretty, tu penses à quoi? Un scoreur? Pas je te mets des mots dans la bouche. Pas en ce moment. Là. Non, mais en temps normal. Mettons qu'on... Si on oublie qu'il est mou comme la merde, oui, ce serait un top scoreur. Il est payé pour compter des buts. Oui, oui, oui. Mais là, Esti, c'est un playmaker, tabarnak. T'sais, il y a quand même 10 points en 14 games. Puis là-dessus, c'est 2 buts, 8 passes. T'sais, c'est comme s'il est devenu un passeur, tabarnak. T'as Desharnais à la glace qui va chercher Pacheco, qui va sparker sa ligne bleue puis qui va le chercher. Puis t'as Pacheco qui s'amuse à faire des passes. Fait que qui c'est qui reste dans le trio pour pouvoir faire de quoi? C'était Andrew Shaw. Qui est d'ailleurs un excellent segue parce que ça. Voyons, parce que la caméra est jamais sur toi. Oh. Voilà. C'est mon moins pour la période là en ce moment. C'est Andrew Shaw. Fait que dans le fond, on vient de nommer un trio au complet. Là. De un, sa moustache du Movember. Là. Ah, j'ai même pas remarqué. C'est une vraie honte. Là. Ah oui, c'est-tu comme Crosby, genre qu'on dirait c'est du vieux poil là, qu'il a jamais coupé? Là. Ça a l'air d'une brosse de toilette un peu, mais rousse, tu sais, c'est comme, ouais, c'est comme du poil roux, mais vraiment raide. Je pensais pas qu'il était roux, lui. Ben, il a une moustache rousse, en tout cas. Iii. Mais calisse qu'il est pourri, là. Lui il est, là, en ce moment, il est vraiment mauvais, là. Ah, c'est ça, il back-check pas, il a l'air flanc mou sur la glace souvent, il se traîne les patins, il fait plein d'erreurs, j'ai vu au Centre Bell, lui, j'ai remarqué rien de bon, pour vrai, rien de bon de ce que j'ai vu dans la game, du tout sur lui, puis dans les games d'avant, Il n'y a plus le guts de faire ce qu'il faisait dans le camp d'entraînement, dans le fond. Il est rendu depuis qu'il a été, pas benché, là, mais suspendu, ils ont dit qu'il a peur de se refaire resuspendre encore une fois. Là, puis on a besoin d'un gars qui va se mettre devant le net, qui va déranger Fellini. On s'en fout. Gars. Ben, il devrait probablement le mettre dans un trio, ce qui va avoir ce rôle-là. Parce que dans le fond, quand ça avait commencé en début d'année, ça avait bien été. Il était avec Dernais, puis l'autre à gauche, c'était Daniel Carr. Après ça, ils ont comme démêlé ça un peu. Là, mais quand tu le mets sur un trio avec Dernais, puis Pacho, ça te dit que sa job, c'est de poter des buts. C'est pas ça pantoute son travail. Là. Son travail, c'est de déranger l'adversaire puis scorer des buts importants à l'occasion. Un genre de Dale Weiss, mais en mieux. Ouais, puis en ce moment, c'est pas ça du tout. On l'utilise pas comme il devrait être utilisé, d'après moi. Fait que là, dans le fond, quand tu l'utilises ben, mal, ça fait un joueur dégueulasse. À un moment donné, c'est pas juste ça aussi. Il y a la responsabilité du coach de où s'il place, puis t'as le joueur aussi, il faut qu'il fasse ses efforts. C'est juste des efforts, mais là, je vois zéro effort. C'est comme s'il n'y avait aucune motivation, dans le fond. Alors, il est pas bon, il est pas là, puis on dirait, moi, il est motivation. Je sais pas, il est juste pas bon ou on a-tu eu un mirage au début, là, dans le camp d'entraînement? Je sais pas. Pourtant, à Chicago, c'est un gars qui potait 20 buts, à peu près. Là. C'est sûr, il y avait genre. Il n'est pas parti pour 20 buts cette année, en tout cas, à date. Là. Non, d'après moi, ça va être un genre de Weiss, là, 10 buts, 10 passes. Là, mettons un gars de 20 points. Je m'attends pas à plus que ça de sa part, surtout avec ce qu'on a là. Ça serait déjà bon que ce soit ça. Là. Okay, la période de GF se termine. On va faire une petite entraque. Puis je vais essayer de réparer le soundboard là, que je veux comprendre pourquoi ça sort pas fort. Allez vous verser une bière. Allez vous verser une bière, on va faire la même chose, puis on vous revient pour la deuxième période dans pas long. Yes. On est de retour pour la deuxième période. c'est les audios, mais je regarde si ça fonctionne. Et voilà. C'est un peu étrange en tout cas. Si ça marche pas comme du monde, on va le faire au montage après ça. Fait que là, les extraits audio pour la semaine, dans le fond, je vais partir ça ici, comme ça, c'est bon. C'est dur d'être le gars qui contrôle tout puis qu'on soit juste deux en même temps. Là. J'ai moins de temps pour préparer toutes mes affaires. Fait que dans le fond, il y a plusieurs extraits. On a des extraits de Therrien et de Bergevin cette semaine, ça va être savoureux. Yes. Fait que, on a eu des conférences de presse de Bergevin. Bon, le son de ces extraits sont vraiment, je sais pas, c'est bizarre, ça sonne comme si ça avait été enrichi dans une boîte de céréales. Là, c'est merci, weird. Merci. Merci les journalistes. Premier extrait, il va nous parler de Sergachev qui est redescendu parce qu'il n'était pas prêt. Ouais. Hashtag, il n'est pas prêt. Fait qu'on écoute ce que Bergevin avait à dire sur Sergachev. L'intention au début, c'est de prendre le mois d'octobre. Puis de... Ok, c'est pas écoutable ces extraits-là de Jeff finalement. Attends, là. On va en essayer un autre, voir. Si un gars commandé, j'ai pris un petit peu. Attends, j'essaie juste de voir s'il y en a un qui est jouable. Inquiété, préoccupé. J'entends, ça fait une couple de jours que j'entends. Bon. Entend plein de... Bon, des beaux problèmes techniques ici. Fait que, bon. Ah, il y a quelqu'un qui nous dit good. Fait qu'on va revenir sur l'extrait numéro. Sylvain Hudon qui nous dit dans le chat. Sylvain, merci de nous dire c'est quoi exactement. Est-ce que c'était le deuxième de Bergevin qui sonnait bien ou Therrien? Si c'est Therrien, on va mettre juste ça de Therrien et on va laisser faire les autres. Là. Ouais. Là, on vous rappelle qu'on a un petit délai. Celui de Michel Therrien. Bon, on va aller faire sur les extraits de Therrien parce que vraiment, là, la bunch d'audio de Bergevin, ça sonnait comme le cul, puis on dirait que c'était dans une balayeuse en même temps. Mais moi, mes écouteurs shakaient dans bass. Je sais pas ce qui s'est passé, c'était weird. Mais d'abord, on les fera pas jouer, mais on va les commenter. Fait qu'il parlait du retour de Sergachev au mineur. Là. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est bien correct. T'sais, le kid, il a fait ce qu'il avait à faire, mais finalement... Il n'est pas prêt. Puis là, son équipe, ce qui est le fun, là, je ne sais pas si le monde le savait, mais il s'en va en Cup Memorial automatiquement. Ah ouais? On devrait se monter un club, si tu veux, là, pour aller dans grands honneurs. Fait que ça va chier donner plus de... T'sais, il va sûrement être amélioré parce que le monde, il dit « Ah, Chris, il apprend rien quand il est dans les estrades. » D'après moi, là, quand tu es dans les estrades, tu vois la game différemment. C'est important, comme on disait tantôt, là, quand tu es sur la glace puis tu vois le jeu, là, tu vois des affaires que tu peux pas voir à TV. Fait que d'après moi, il est comme été à petite école. Ouais. Il est allé prendre des notes, puis après ça, il retourne dans le junior, il va être meilleur, il va être dominant. Puis quand il va revenir l'année prochaine, il va peut-être pas faire le club tout de suite, mais d'après moi, il pourra peut-être jouer dans la Ligue américaine, puis éventuellement, mettons, en mi-saison, si une blessure, ça se joindra au club. Tout dépendant, c'est quoi la formation qu'on va avoir l'année prochaine aussi. Là. Son deuxième extrait à Bergevin, il parlait de Markov puis de Plekanec, là, dans le fond. Bon, je pense qu'on peut le résumer rapidement, ça, là. Maintenant, il parlait de Plekki, que Plekki, il fait des bonnes choses, puis pas parce qu'il marque pas qu'il est pas bon, dans le fond. Ben, c'est ça, mais la seule affaire qui est pratique. C'est sûr qu'il va le protéger. Ben, la seule chose qui est plate, comme je le dis souvent, c'est que Plekki, c'est l'attaquant le mieux payé puis il ne produit pas. Fait que il faut voir qu'il fasse de quoi à un moment donné. Là, c'est rendu qu'il joue avec Gallagher puis l'autre à gauche, c'est Yann Nirgato. Ouais, c'est pas excitant comme trio. Genre, je m'en... Pauvre Gallagher, tu sais, d'un côté. Ouais. Fait que, bon, Plekanec. Puis Markov, tu sais, il vient d'avoir une Coupe du Monde. Là. Fait que c'est sûr et certain qu'il est au ralenti déjà cette année. Ça va être plus avancé, plus ça va être pire. tu sais, on le signe-tu l'année prochaine, Markov? Pas sûr. Ben, il est pas à la fin, je te dirais. Là. Tu le galerais-tu comme un genre de Sergei Gonchar, là, mettons, là, en fin d'année, puis il va jouer une fois de temps en temps sur le power play, puis sa troisième paire. Tout dépendant du prix, là, tu le prendrais-tu à 6 millions par année, toi? Ouais, Markov à 6 millions rendu là, non, là, c'est bien trop cher pour ce qu'il donne. Là. Fait que j'ai hâte de voir, c'est le genre de voir ce qui va se passer. Mais c'est juste dommage parce que dans le fond, c'est comme un genre de bon mentor pour Sergachev aussi. Mais ça va être à suivre. En tout cas, Markov, moi, il m'inquiète. Ben, il est ça à la fin. Il est ça à la fin, je te dirais. Il a quel âge? Est-ce 38? Non, pas, il n'est pas 36, 37, je sais pas. Ouais, c'est pas si pire. Faudrait aller voir ses stats, mais ça me tente pas parce que j'ai déjà assez d'affaires gérées de même en ce moment. Mais ben, d'après moi, là, sa blessure au genou, là, Mané, ça c'est peut-être un gars où sa durée de vie est moins longue qu'à la normale. T'sais, il va peut-être prendre sa retraite à 37 au lieu de prendre sa retraite à 40, genre. Il a perdu 3 ans de. Son genou a vieilli. J'ai l'impression, Jeff, qu'en ce moment, la technique, c'est juste moi que ça marche pas sur mon enregistrement audio seulement. On dirait que le monde en vidéo, ils sont corrects avec eux autres. Fait qu'on le fait pour le monde live, puis je corrigerai le reste au montage. Notre technicien. Ouais, je fais tout ici. Il y avait une affaire qui s'appelait Attitude de Junior, c'est quoi? C'est quoi cette... Là, si je me souviens bien, dans c'est le fond, tough, là, on essaie de le faire. Ouais, parce que dans le fond, j'ai trouvé les audios, mais ça fait comme 2 semaines de ça. On peut le passer si tu t'en rappelles pas, au pire. Dans le fond, si ça te dérange pas, mais je sais pas si ça va sonner tout croche, là. OK, puis il y avait ses impressions après 9 matchs, dans le fond. Ouais, c'est ça. Encore là, je me souviens plus exactement ce qu'il a dit parce que ça fait trop longtemps. Et tu sais, Benjamin, des fois, il dit tellement de niaiseries que c'est rendu ridicule. 38 ans qu'on me dit au mois de décembre. 38 ans le 20 décembre pour Markov. Ah, fait que c'est ça, il est vraiment au bout du rouleau. On remercie Sylvain Hudon pour les informations complémentaires sur la page Facebook. Bon, fait que là, on peut revenir sur les extraits ceux qui fonctionnent en fait, là, ceux de Terrien. Ça tombe bien, on a un qui est très long. On a un extrait de 3 minutes. C'est rare qu'on passe 3 minutes d'audio. Ça, c'était. J'espère que ça va bien sortir. Je vais en profiter pour tester avec le live, vraiment, voir si ça marche. Dans le fond, c'est il y a eu une conférence de presse de Michel Therrien, puis tu as appelé ça Michel se vide le cœur. Ouais. Fait qu'on écoute ça. Inquiété, préoccupé. J'entends, ça fait une couple de jours que j'entends plein de commentaires là-dessus. Comment je pourrais bien expliquer ça? On voulait avoir un bon début de saison. On voulait avoir un bon camp d'entraînement. C'est une nouvelle saison qui commence. On rentre des nouveaux joueurs. On a un excellent camp d'entraînement qui nous a permis d'avoir un bon début de saison. Je regarde après 12 matchs, si tu m'aurais dit après 12 matchs, notre équipe a seulement eu une défaite. Et ça doit être satisfait. Plus que satisfait. Parce que je me souviens l'année passée, on a une période au mois de décembre où ce que nous on avait 40 lancés. 42 lancés contre 20, 19, 17, puis on perdait 3, 4 à 1. Là, c'était la panique totale à travers la province. Là, cette année, mais on a un bon début. Dernièrement, on accorde plus de lancers, des affaires qui vont se corriger. C'est inquiet, non. Moi, c'est pas ça qui m'inquiète. Qu'est-ce qui m'inquiète? Je serais dans une position et t'es inquiet. Surtout, je pensais à ça hier, parce que j'étais allé faire mon épicerie. Que les partisans sont tellement heureux de notre début de saison. Ils sont heureux. Ils encouragent à continuer, à travailler dans ce sens-là. Mais Chris, là, je suis revenu de faire l'épicerie. Fuck you, Steve. Puis là, quand j'entends toutes sortes de commentaires, souvent par des médias, moi, qu'est-ce qui m'inquiète? Pour moi, qui est inquiet, là, c'est le petit gars qu'on a rentré dans la chambre, là, le petit Simon. Là, le petit Jérémy. Que lui, après, là, il a gardé son match. Il faut que ça aille à l'hôpital. Puis le dimanche, il y avait des traitements. Puis le lundi, il y a encore des traitements. Ça, c'est inquiétant. Quand on dirige une équipe de hockey, qu'on a une défaite en 12 matchs, est-ce que je suis inquiet? Non, je suis content. Je suis très, très, très content. Je suis content. On a trouvé une manière de gagner un match qui n'était pas facile à jouer. On a joué la veille. Et les gars ont fait les jeux nécessaires pour qu'on gagne ce match-là. Carey a fait les arrêts clés qui nous a permis de gagner ce match-là. Est-ce qu'on a des choses à travailler? Ben oui. On ne dit pas que tout est parfait, là. Il n'y a pas un club qui est parfait. Fait que la inquiet, préoccupé, on relaxe. Calmez-vous. Il y a des affaires qu'on... Mais c'est sûr. Mais oui, c'est ça je te dis. Je t'explique que... on a-tu des affaires à travailler? Ben oui. Ben oui. Il y a 29 autres clubs qui ont des affaires à travailler. On est au mois de novembre. 29 autres clubs. Début. Qui est tout à fait normal, là. Mais je trouve qu'on s'est un pas pire début de saison. Il y a 29 autres clubs. Hey, c'est long, ça. C'est ça, mais on dirait qu'il est comme fait sentir le journaliste comme de la marge. Ben, il essaie de faire sentir tous les journalistes comme de la marge. Comme arrêtez avec vos questions, on n'a rien de gagné, on a perdu juste une fois, c'est quoi votre problème? Il a raison. C'est ce qu'il dit. Ouais, il a raison, mais en même temps, le club joue mal, même si on gagne. Là, c'est ça, ben, mais d'être inquiet, je comprends. Je comprends son point. Mais son exemple avec le petit gars qui se fait des traitements. Il est trop intense. Ouais, là, Michel, le grand des nerfs. Là. C'est ça, il aurait pu dire inquiet des États-Unis. Puis tout. Inquiet en tant que coach, pas inquiet comme dans ta vie personnelle. C'est ça. Il a été trop loin, il a pris un autre chemin. Là, mais Michel, il niaise pas. Là. Il perd une game puis il est pas content. Non, mais il était content quand même là, cette fois-là. Il était en pleine forme. Là. D'ailleurs, il va nous parler de sa forme physique, hein, Michel. Je vais revenir sur le match de vendredi à Columbus. Attention, je suis en forme, je mets de congé. J'ai remarqué ça. Tu es en forme, tabasse-là, comme on dit. En plus, on est psychiatre. Ouais, bonne. Dans le fond, tu vois les vidéos que je t'envoie pour les audios, tu vois comment Michel est habillé là, pendant la conférence. On dirait que, tu sais, quand c'est des pratiques, il est habillé en jogging. Ouais, il est comme genre de coton ouaté canadien, là. C'est ça, c'est tout le temps le même. Mais l'image que j'ai quand il dit ça, là, c'est, je sais pas, j'ai comme un stéréotype de genre à la Flanders, là, que, oh, je suis en forme, puis il court en arrière, puis il revient par en avant, là. Oh, je suis en forme, tu sais, puis il porte un bandeau sur la tête, puis tout, là. C'est pas, tu sais, c'est. Comme ça, quand Flanders fait du ski avec son saut rouge, là. Pis... Genre quelque chose de même, c'est comme tabarnak, mais c'est, ça fait drôle, tu sais, c'est Michel, il a perdu du poids. Oh, il est funny, là. T'sais, il dit des jokes des journalistes, là, puis il les écœure pas pour l'instant. Jusqu'à temps qu'il se mette à perdre, là, il va les écœurer un peu plus. Là. Ouais, parce que dans le fond, l'année passée, il a comme mangé de la merde quasiment pendant quoi, 3-4 mois. Ouais, là. Mais là, à la fin, tu sais plus quoi dire. Là. Aussi, dans une série de défaites de même que l'année passée, ça n'a pas de sens. Là. Non, c'est ça, là, c'est comme garde vos gueules. Là, c'est on mène. Là. On a une fiche de 12. Ouais, 1, ça, 1. Il dit comme pouvez-vous me donner un break, s'il vous plaît. Mm. Prochaine des questions, ben, il revient sur le fait d'avoir gardé Montoya devant le filet. C'est pas un jeune gardien de but qui commence à faire. C'est comme il n'est pas dans la ligue, donc c'est le. C'est pas n'importe quoi. Mais. C'est une colline de décision tough à prendre. Croiser broche. On n'avait pas de bonne décision. Il n'avait pas. Dans la situation, c'est pas comme si on joue dans deux jours. Si on joue le lendemain. On a même pas embarqué Curry en pratique exceptionnelle. C'est exceptionnel, mais Curry, c'était pas exceptionnel. C'était une journée de congé. Il n'avait pas de bonne décision. Ça arrive, ça, des fois, il n'y en a pas de bonne décision. T'es dans une situation, là, c'est damn if you do, damn if you don't. Le Kobayashi Maru. Il arrive de quoi? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait là, le mettre là? Tu le laisses là ou tu t'attends pas, tu dis ça va arrêter un jour. Là. Il n'y en a pas. Malheureux. Il était émotionnel cette journée-là, Michel. Non, tu mens pas. Ouais, là, on reçoit des commentaires sur l'audio encore dans le chat. Mais ouais, c'est les extraits audio de cette semaine qui sont bizarres. Ça, on dirait que sur le site du Canadien, ça sonnait pas bien. Ouais. En tout cas, on va remédier à ça au prochain épisode. Fait que, ouais, Michel, là, qui dit, ben, dis, je pouvais pas l'enlever. Là, c'est... Lui, dans le fond, ce qu'il a dit, c'est. Ça va bien finir par arrêter ces buts-là. Ben là, 6, 7, 8, ça va bien arrêter. Non, 9, 10, Ah, c'est assez spécial, mais l'affaire qui est drôle, c'est que là, ça, c'est lundi. Fait que t'as eu le match de samedi contre les Flyers, puis ils reviennent encore là-dessus après deux jours. C'est comme un moment donné, comme tabarnak. Qu'est-ce que tu veux en savoir de plus? Ouais, mais t'sais, ça. C'est revenez-en. On a un match contre Boston, on se prépare, on fait ci, on fait ça. Les journalistes, là, des fois, là, des questions, là, c'est comme tabarnak. Là. Ouais, comme vous, une heure. Là. Ouais. Vous me frustrez. C'est... Vous me frustrez. Frustré. Avec des R. Avec un R. Puis une voyelle. Ouais. Bon, il en reste deux extraits de terrain. On vous avertit, ça achève. On s'excuse. D'habitude, c'est le moment fort. Là, c'est le moment pénible du podcast. Je ne sais pas pourquoi. Là. Ça me fait excessivement chier, mais en tout cas, il en reste deux. Premièrement, terrain et les réseaux sociaux. Mais ça, on va l'écouter, mais il me semble qu'il ne se dit pas grand-chose dans celle-là. Ouais. Le canon va être mis sans liste, les joueurs blessés, puis oui, il va y avoir un appel en fin de journée. Je vais vous donner 3-4 heures de spéculation, puis les Twitter, qui va être appelé. Vous pourriez sauver ça. Là. Vous pourriez sauver ça tout de suite en nous disant. Mais non, ça va faire de quoi parler. Michel, est-ce que tu venez votre après-midi, occupez un peu. Parce que dans le fond, c'est ça qui arrive, c'est que... Ça sonne comme ils sont à côté d'une machine à glace. En salle de conférence canadien, parce que ça a toujours été la même salle où ce que Bergevin était, puis ça sonnait tout croche. Ouais, c'est cette fois-là. Mais bref, l'affaire qui m'a fait rire, là... Ouais, mais merci Sylvain Hudon, il dit, c'est, on entend bien ce qu'il dit, mais il y a un genre de vrombissement ou un mot bizarre. OK, là, fait que ça, dit. C'est vraiment la salle de conférence. Ben ça, parce que c'est exactement ce que nous, on entend aussi dans nos oreilles, fait ouais. Que c'est l'extrait qui est fait comme ça, malheureusement, là. Puis... C'est important. Oups, c'est important. C'est... J'avais oublié de mettre l'autre. Ouais, ouais, ouais. Ben, vas-y. C'est parce que dans le fond, c'est ça. Mettons, là, comme l'affaire de Carp et Hudon. Là, ouais, ouais. Écoute, tout le monde, pas Carp et Hudon, mais plutôt Carp et l'autre Henley, là, le défenseur ouais, Henley, qui est remonté. Qui était à chier hier. Là. Mais les journalistes spéculent puis ils donnent des théories. Oh, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Même c'est rendu que les sites internet d'Apotin, là, même eux autres disent ah, en exclusivité. Ils vont faire ci, ça, ça. Fait que c'est un petit peu ça pour leur dire, garde, je vais vous laisser comme dire des niaiseries, puis après ça, je vais faire ce que j'ai à faire après. Ouais, ça, il dit, bah, whatever, vous allez spéculer, comme ça va faire votre après-midi, vous allez travailler, puis finalement, vous allez savoir vraiment c'est quoi, puis ça va avoir rien servi ce que vous allez avoir dit toute la journée. Là. Exact. Puis les pays spéculateurs qui existent sur la Terre, présentement, c'est 91,9 parce que Georges Larac. C'est ça que j'allais dire dans les coulisses. Dans les coulisses, ouais, eux autres, c'est n'importe quoi. Là. Roy, okay. Ça a l'air que Roy est coach canadien. Mais Georges Larac avait dit. Pendant que Price manquait les débuts de saison, puis c'est mon truc qui gaulait, là, que Price était blessé au genou. Fait que, tu sais, les spéculations, puis dit des niaiseries, à un moment donné, là, c'est rendu n'importe quoi. C'est plus du journaliste, c'est-ci. Et on mélange les affaires, c'est rendu qu'on va dire notre opinion, puis on va en faire une nouvelle. Un peu comme Villeneuve y avait fait dans le temps de Pacioretty et Terrien. L'autre exemple que je pourrais te donner, là, à un moment donné, j'avais une vidéo de 110%, c'était comme une chicane épique entre François Gagnon puis Pierre Rinfret. Mais. Ça a l'air que dans le livre de 110%, il en parle de ça. Ben, c'est sûr et certain, parce que c'était quelque aujourd'hui. Chose. Il m'a dit tantôt qu'il était presque rendu à la fin du livre. Ah, c'est parfait, parce que je l'attends, son commentaire, j'ai hâte. On aura un épisode spécial littéraire de ce point de podcast. Je vais pouvoir savoir si c'est vrai ce qu'Éric Lavallée m'avait dit, parce que des fois, je trouvais qu'il s'en vantait pas mal trop. Mais l'autre affaire que je voulais dire, donc, c'était tabarnak. C'était Jean Perron. Que lui disait qu'une affaire, puis qu'il en a fait une nouvelle, il l'avait expliqué genre à la presse, il avait donné comme un scoop à la presse. Mais c'est ça qui est n'importe quoi avec les journalistes à Montréal. Faites-nous apprendre de quoi, mais c'est tellement pas ça, je trouve, dans le journaliste anglophone. Aujourd'hui, c'est rendu dégueulasse. Là. Ouais, ouais. C'est rendu, dans le fond, c'est qui va avoir les plus grosses couilles que les autres, puis qui vont dire de la merde dans le journal. Tu sais, comme Quentin, Gagnon, toute cette petite gang-là. Là, les journalistes qui se pognent avec les astis de bullshiteux, de blogueurs qui disent la merde sur... Ben là, c'est ça, parce que là, t'as volé mon scoop ici, pis ça, c'est comme tabarnak. On dirait une cour d'école, pis ça se graphine. Faudrait arrêter de leur donner de la publicité à toute cette gang de 25 Stanley pis de Hockey 30, là. C'est tout de la merde, là. C'est... Mais pour vrai, là, je trouvais que 25 Stanley, c'était pourri, là. Mais Hockey 30, sacrément, là. C'est n'importe quoi, ce qu'ils disent. On dirait que c'est une petite fille de secondaire qui genre, écrit dans son carnet personnel, là, caché, là, puis qui se touche avec une main des bobins. Tout est écrit en caractère gras, en majuscule. Ah, avez-vous vu ça? En majuscule, puis genre trois mots par ligne. Parce que, c'est pas... Il félicite un joueur de ne pas avoir pris une goutte de boisson aussi, pendant qu'il sort dans un bar. T'sais. Mais bon, 125 000 personnes doivent savoir quelque chose qu'on ne sait pas, nous autres. Parce que, c'est tout du monde qui ont voté pour Trump. Fait que dernier extrait, on vous le promet, c'est le dernier extrait qui va gricher comme si on était à côté de la Zamboni. Là. C'est Terrien qui va nous parler des journalistes. On écoute. C'est important le travail que vous avez à faire ici. Si vous prêchez la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle, là, ça n'a pas changé. Là, ça existe depuis Jésus-Christ. La nativité. Prêcher la bonne nouvelle. Il y en a un. Puis Jésus-Christ s'est fait crucifié. Fait, ouais, c'est comme... Nous autres, on vit ça à l'interne. Là. On vit ça en famille. On était une équipe de hockey. Là. Donc, oui, on sait ce qu'on a déjà fait, qu'on a travaillé. Les joueurs, ça nous sont conscients. On passe du temps là-dessus. Puis je suis très confiant qu'on va s'améliorer sur certains points. Là. On l'a toujours fait dans le passé. Donc, on a un bon groupe de joueurs qui veulent s'améliorer. On est tous conscients. Très satisfait de notre début de saison. Très satisfait. Faut être très satisfait. C'est la panique, la défaite de 10-0. Hey, ça écrivait comme si c'était vraiment genre l'apocalypse puis tout ça. Puis ouais, mais c'est parce que c'est le chiffre qui est impressionnant dans la défaite, plus que la défaite en tant que telle. C'était sûr que ça allait arriver, cette défaite-là. C'est une claque d'en face, c'est tout. C'est ça, ben une claque d'en face qui nous a permis de nous réveiller un peu. Ben, vrai, le relâchement, là, ça va vous rentrer dedans, là, parce que si vous n'avez pas Price, vous valez rien, Canadien, on dirait en ce moment. Puis ça a été ça, leur wake-up call un peu. Il y a des joueurs qui n'ont pas compris encore. Il y a des joueurs qui sont encore mous comme la marde, malheureusement. On espère que ça va venir. Mais une affaire que j'ai aimée de Philippe Dano qui avait déclaré cette semaine, là, c'est que j'aime mieux perdre une game 10-0 que d'en perdre 10 en ligne par un but. Ouais, effectivement. Fait que, regarde, à date, on a quoi, une défaite dans le mois de novembre? On s'en va sur une bonne lignée. On est rendu à 12-1-1 là, en ce moment? On est à 12-1-1. Puis là, si demain, on gagne, yes, on va battre le record du plus grand nombre de victoires au Centre Bell. Ben, pas au Centre Bell, mais plutôt à domicile. Ouais, à domicile, là, parce que le Centre Bell n'existait pas dans le temps du record. C'est le record qui date de 1953. Pendant que la période se termine. Ouais, fait que, en espérant qu'on va le battre. Surprise qui go, là? J'espère que oui. Ça n'a pas été confirmé, mais LSDP va être sur place. Fait qu'attendez-vous à des call-out. Est-ce que le call-out finger sera sur place? Ah, je sais pas. Hein? Peut-être. Ils vont-tu le laisser rentrer? Ben là, ça devrait. Là. Je peux pas croire. Mais à cette heure, tu peux plus rentrer que rien au Centre Bell. Non, c'est ça. Pas de sac. T'enlèves tes clés, ton cellulaire. Faut qu'ils te fouillent si t'as une sacoche. Faut qu'ils fouillent ton manteau. Ouais, c'est ça. Tu sais, dans le fond, le monde peut plus sortir dehors pour fumer pendant les entractes aussi. Non, les petites de votre code dans les poches, ça marche plus, ça. Non. Sinon, ils vont te fouiller puis ils vont te toucher. Puis la bière est rendue à 11,75 de tout le monde. Tabarnak, elle a augmenté aussi. Ouais, après la saison de misère. C'était 10 pièces et demi l'année passée. Non, c'était 11,25, je pense. Je pense qu'elle a monté de 50 cents, là. Les tabarnak. Un jour, on va sortir un vin, puis ça sera même pas assez pour une bière. C'est dégueulasse. Chris de Monson, c'est sa propre bière en plus, la canadienne, esti, puis ils te vendent ça à 12 piastres, la bière. Genre une vieille bière à 4%, genre qui donne zéro calorie. Genre, c'est comme si on prenait du Coke zéro, mais de la bière. Du cristal. Ça, je paierais cher. Hein. La Modelo? Ouais, ouais. C'est bon, ça, Modelo. Est spécial, servait ça. T'as pas encore ta commande de Modelo? Non, j'attends toujours. J'imagine que s'il gagne la coupe, si, puis on se trouve sa parade avec des bouteilles de Modelo, maintenant, il va avoir de quoi. Là. Ouais, comme si nous autres qui va faire que la publicité va valoir de quoi sa parade de la coupe. C'est pas tous les joueurs. Si les joueurs boivent ça, peut-être, puis ils vont avoir eux autres une commandite, pas nous autres. Je vais laisser une caisse, genre, sur leur on vous salue, carrosse, on vous salue, Modelo. Fait que sur ça, on va aller faire une entrée pour vivre la troisième période avec Around the NHL. On a des vidéos, ça crashera pas l'audio du tout. On est de retour pour la troisième période. Et c'est maintenant le temps de faire le tour de la Ligue nationale. Around the NHL. On a des vidéos aujourd'hui de JF, en plus, c'est malade. Ah. Fait que Around the NHL, quelques sujets, faire le tour de la Ligue nationale comme ça. J'ai ça sur ma feuille. Fait que premièrement, le capitaine des Preds, Mike Fisher, a exigé un meeting avec la direction pour régler des problèmes dans le vestiaire. Ouais, c'est en début de... Dans le fond, au mois d'octobre, les Preds avaient un mois de cul, genre. C'était quasiment un des pires clubs dans l'Ouest. Puis ça a l'air que ça va pas bien dans le vestiaire des Preds. C'est drôle, hein? Je me demande qu'est-ce qui pourrait être la cause. Ah ouais? Le fait qu'ils gagnent pas souvent. Qu'est-ce qu'ont en commun les Preds et le Canadien de Montréal de l'année passée? Question quiz. Est-ce possible? J'ai dit ça, question quiz. Ouais, j'ai ça ici. Alors, on vous demande, qu'ont en commun l'édition 2015-2016 du Canadien et l'édition 2016-2017 des Prédateurs de Nashville? La première affaire, c'est un t-shirt. On se le cachera pas, là, c'est le numéro 76. Comment ça va sa saison? Est-ce que le site fonctionne toujours là, sur l'échange? Le site fonctionne toujours. Piqué a connu un bon match contre des Sénateurs, un but, une passe, il a fini en positif à zéro. Un but, une passe, puis il a fini à zéro? Ben, il a fait 2 points. Fait que... Ah, c'est triste. Mais ouais, c'est drôle pour nous autres. Ouais, on en rit, mais tu sais, c'est parce que dans le fond, en tout cas, je suis toujours d'une claque à quelqu'un qui me hashtag Corsi, là, c'est comme l'enfer. Là. Mais tu sais, Subban, là, si l'équipe gagne, c'est un gars qui est cool. Mais si l'équipe perd, là, il tombe ses nerfs en tabarnak. Fait que c'est sûr que le gars, il s'en colle. Ben, pas qu'il s'en colle. Parce qu'il fait comme avec le Canadien, puis qu'il sa musique, puis qu'il écoute pas le coach, puis il t'arrête de checker son compte de poêle pendant que ça fait des meetings. C'est sûr qu'il fait ses propres affaires, là, parce que lui, c'est sa business, c'est son branding, tu sais. Puis lui, il ne fait que pour bien paraître. Lui, c'est son image qui est importante. Puis quand il est sur la glace, il essaie toujours de faire des jeux fancy, mais tabarnak, asti qui fait des gaffes, puis les revirements qu'il donne, là, c'est épouvantable. Des fois, il est capable de corriger son erreur puis de faire un beau jeu, mais la plupart du temps, il est pas à la rondelle, puis dans l'Ouest, c'est tellement pas la même chose. Là. Non, la game est différente. La game a changé. Ben, exactement, tu sais, fait que c'était juste drôle de voir ça. Puis, je pense que là, on peut vraiment fermer les livres. Là, regarde, Subban est à Nashville. Subban va rester Subban, mais c'est pas nécessairement lui qui va changer l'allure d'une équipe à lui tout seul. Là. Ben, pas de la manière qu'il joue en ce moment, en tout cas, c'est sûr. Là. Mais là, encore une fois, tu sais, quoi, 15 games de jouer. Début de saison, c'est encore tôt. Ça pourrait changer. Pas l'impression que ça va changer. Mais, moi non plus, parce que ça s'en va. C'est est-ce que les fans des Preds veulent encore annuler l'échange, là, eux autres, sûrement? Là. Ah, je sais pas, mais en tout cas, ça paraît que c'est du monde qui connaissent fuck all au hockey. Pour proposer d'affaires demain, c'est comme tabarnak, prenez donc pour les Titans à la place. Là. Ouais, en ce moment, aux États-Unis, on parle plus de problèmes, je te dirais que. Ouais, c'est ça, avec Subban, il va prendre le bord un peu. Il va revenir au Canada. Deuxième point around the NHL, l'agent de Halak. Encore Halak, man. Eh, Chris. Encore Alan Walsh. Lui, il va bloquer, hein. Il t'a bloqué? Il m'a bloqué sur Twitter, ce tabarnak-là. Comment ça? Parce que à un moment donné, genre, Price, c'était l'année qu'il avait gagné le Hart, puis il avait dit comme un genre de petit commentaire à propos d'Alak, parce que quand ça va pas bien pour ses joueurs, il faut qu'ils s'expriment sur Twitter. Puis à un moment donné, j'ai shooté des stats de Price, puis j'ai dit de fermer sa calisse de gueule en anglais. Genre, je pense que j'avais un fuck dans mon tweet, là. Il m'a bloqué le lendemain. Tout simplement, parce que j'ai carrément traité d'imbécile, puis j'ai dit que le gars était une honte parmi les agents de la Ligue nationale. Mais c'est ce monde-là doit tellement se faire insulter tout le temps sur Twitter que d'autres, ils prennent même pas le temps de répondre, ils font juste bloquer, comme fuck that, c'est du bruit. Là. Sûrement, mais un gars comme Alan Walsh, c'est n'importe quoi, là. Tu sais, à quoi ça sert? Qu'est-ce qui est bon pour ton client? Tu sais, lui qui était l'agent de Jonathan Drouin, on sait toute la saga qui est arrivée. Ouais, ouais. Puis là, il commence à dire de la merde à propos d'Alak parce qu'il trouve que le ménage à trois, il est pas correct. Ou Islanders, là, c'est rendu qu'il est sur le trading block. Ils veulent l'échanger. Qui pourrait prendre Halak, là? Y a-t-il grand club qui ont besoin d'un goalie ces temps-ci? À date, non. Chris, c'est Condon, tabarnak, qui est allé boucher deux trous en même temps, tel un condon. Il est allé à Pittsburgh pour boucher un trou le temps que Matt Murray était blessé. Puis après ça, ils ont été l'envoyer au sénateur, juste parce que, chose binouche, là, Anderson, dans le fond, il se passait de quoi de grand dans sa vie, mais que Andrew Hammond, le hamburger, qui est la pire feu de paille des 3-4 dernières années. Anderson, c'est pas sa femme qui a le cancer, je pense. Non, c'est ça. Fait qu'ils ont donné comme un genre de break pour qu'il reste avec. Mais là, je suis surpris parce que j'ai remarqué ce soir, c'est lui qui goalait. Fait que je pensais qu'il prendrait un plus long break. Mais là, Condon retourne auxiliaire. Lui, il fait juste boucher des trous. T'as un condom. C'était dit. Une journal. Mais en tout cas, pourquoi on parlait de Halak puis de Alan Walsh? Parce que Alan Walsh a bâché sur les Islanders en raison du ménage à trois entre les gardiens. Puis résultat, Gard Snow a annoncé qu'Halak était disponible sur le marché. Exactement. C'est ça que je disais dans le fond. Fait que c'est n'importe quoi. Là. Fait que c'est pour ça, tu sais qu'Halak est disponible, mais ils vont faire quoi avec? Ils vont l'échanger où? Est-ce-t-il? Il n'y a pas une équipe qui est à la recherche d'un gardien de but numéro un, là, à l'heure actuelle. La seule équipe qui était à la recherche d'un goaler, c'était les Sénateurs. Puis ils ont pris Condon. Pour un choix de cinquième round. Puis justement, c'est exactement le troisième point que tu as mis sur la round de NHL, c'est Condon est changé au sénateur contre un choix de cinquième round. Le pire, c'est que c'était pas voulu que ça soit dans cet ordre-là, mais t'as-tu quand quelqu'un. C'est bien tombé en maudit. Eh oui. C'est bien ficelé, tel un beau petit jambon. Là. C'est un post que tu as mis sur notre Facebook, la une du journal de Ottawa. Ah, ça, tabarnak, là. Hey, calvaire. C'était comme sénateur use a Condon. Ouais. Come on! Vous êtes en lune d'un journal! Qu'est-ce que vous faites là? C'est dégueulasse. Mais tu sais, c'est le monde d'Ottawa, hein? Fait que... C'est des jokes qu'on ferait, nous autres, ici, le show le soir, vendredi soir. Là. Puis, genre, pauvre Condon. Ben, je sais pas si Condon le rit ou je sais pas s'il aurait catché ce genre de joke-là, parce que dans le fond, tu sais, il est roux. Mais. Il est roux! Ben, c'est. Il est roux, il mérite le battre. On joue contre Ottawa mardi prochain au Centre Bell. Fait que Scott Mike Condon va gauler contre nous autres. J'aimerais ça. Très drôle. Parce que dans le fond, c'est comme le retour des anciens goalers auxiliaires. Bouddha a goalé pour les Kings. On l'a battu facilement. On a-tu une rivalité avec Ottawa, tu penses, en ce moment? Ou c'est mort un peu? Je pense que depuis le dernier playoff, on dirait que c'est beaucoup moins intense. Ça a comme monté un peu puis ça a redescendu après. Mais tout d'abord, contre Ottawa, c'est une équipe sans saveur. C'est comme si tu pognais un sac de Lifesaver puis tu pognes celle qui ne goûte rien. Les transparentes, pas de colorant. Ouais, c'est dégueulasse. Mais tu sais, Ottawa, pour moi, genre, ils me font pas peur personnellement. Puis oui, Guy Boucher, il semble être un entraîneur respectable, mais et pourtant, Ottawa, ils sont impressionnants, Chris. Pour moi, c'est une équipe qui va faire des séries, qui se bat plutôt pour une place en série, puis qui s'en va toute l'année. Là. Mais ils m'impressionnent pas, même pas, pas en tout. Ils me font pas peur, contrairement à Tampa ou Boston. Prochain sujet, il y a Ilya Kovalchuk qui veut revenir dans la NHL. Ouais, il veut. Il a checké Radu s'en venir, puis il est comme, hey, moi aussi, je veux y aller dans le party. Mais t'as chez Canadien, mon petit Ilya. Ben, l'affaire qui m'inquiète, puis je sais il pas si. Il a quel âge, lui, là, Kovalchuk? Il doit être 35-36, je crois. Je pensais pas qu'il était si vieux que ça. Mais l'affaire qui me surprend de Kovalchuk, c'est que c'est son équipe à Rachel qui va s'en débarrasser, parce que ça a l'air que le gars, il est vraiment pas en forme. Il a tellement pas besoin de lui. Là. Il est comme rendu un peu baquet. Fait que ça dit qu'il est beaucoup moins explosif sur la glace. Il produit moins que Panarin ou Radulov dans KHL. Fait que il va-tu être utile? Tu sais, dans le fond, là, la question que je me demande, est-ce que Kovalchuk est plus, mettons, proche d'un gars comme Radulov dans la Ligue nationale ou il est plus proche d'un gars comme Alexander Semin? Je ne sais plus. Oui, c'est vrai qu'il a un excellent talent, mais sauf que si le gars, il a pris 25 livres, 30 livres au hockey, c'est énorme, ça, là. C'est un Russe, là, on s'entend que c'est jamais gage de qualité. La volonté de travail, tu sais. Mais par contre, c'est un Kovalchuk qui est juste plus vieux, mais qui est encore efficace. Ce gars-là, il était explosé sur patin. Ça, il a 33 ans, Kovalchuk. Ah, tu vois, je pensais qu'il était plus vieux que ça. Il est né le 15 avril 83. Mais s'il coûterait pas cher, puis s'en vient à Montréal... Ça commence à faire beaucoup de Russes dans le club, là, ramener Kovalchuk ici. Ben, de toute façon, tu le prendrais contre. Ben, pas contre qui, parce que t'as pas le tradé. Là, non, mais... parce que dans le fond, il signerait comme joueur autonome, parce que ses droits ne font plus partie des Devils du New Jersey. Ah ouais, ok. Ouais. On vient d'avoir l'information aussi, 34 au mois d'avril. Merci de la précision. Tu l'as fait tweeter, c'est quoi? Ouais, c'est Facebook encore qui nous confirme les stats. Merci. On vous remercie pour les stats en direct. Fait que, non, mais tu le prendrais-tu, toi, Montréal, mettons, pas cher? Hein? Il est quoi, lui? Là? C'est un ailier. Un ailier, ouais. Il est droitier, fait que lui, il joue à droite, techniquement. Russian is a left winger currently playing. Oh, c'est un left winger? Ouais, c'est ça qui est marqué. Ah, ben, si c'est un left winger, imagine un tri. Là, je dis vague. Là. Ouais, vas-y. Kovalchuk, Chucky, puis Radulov. Tabarnak. Ça serait-tu hot ou ça serait comme. Bah. Je pense que ça serait malade, ça. Sauf que ça a l'air d'être une ligne d'étoiles, mais à long terme, je sais pas si ça marcherait. Mais. T'sais... Pourquoi ça marcherait pas? Je sais pas. Parce que c'est des risques, ça, t'as pas confiance. Genre. Non, mais parce que je pense, puis je suis comme trop excité là. Ça. Hey, t'imagines-tu la ligne? Ça patinerait en tabarnak, mais c'est ça qui m'inquiète. À train de tout, il fait du jogging, Kovalchuk, parce que je pense qu'il a rendu baquet, honnêtement. Il a comme rendu la taille, genre de Zach Galifianakis, là. Il a perdu du poids, lui, là. Fait que... Ouais, mais c'était genre avant Hangover, là. Ah. Il était gros. Genre, tu sais, il portait des t-shirts trop serrés. Dans le temps qu'il était le petit gros de service. Exactement. Fait que, on verra bien, tu sais. Dans le fond, il coûterait rien, mais je sais pas s'il peut joindre pendant la saison ou ça serait genre l'année prochaine. Je pense. Oh là. Ben ouais. J'suis... Ben Radulov, il l'a fait un moment donné. Ah ouais? C'était la fois qu'il s'est fait pogner avec les Cotitines là, à Nashville. Radulov, il était revenu joindre les Prédateurs à la fin de l'année pendant qu'il jouait dans la KHL. Mais dans le fond, techniquement, c'est parce que ses droits appartenaient aux Prédateurs. Mais là, il peut-tu comme signer un contrat en pleine saison puis se joindre à un club dans les shows? J'en ai aucune idée. S'il vous plaît, aidez-moi, trouvez-moi une réponse. Expliquez-moi ça. Mais en ce moment, on n'a pas de besoin de Kovalchuk de toute façon. Là. Quoique je le prendrais. Non, c'est pas alarmant. J'aimerais mieux avoir un défenseur gaucher que chercher un gars comme Kovalchuk sur le marché. Ouais, c'est ça. Ben, en tout cas, c'est à voir. On va suivre la saga Ilya Kovalchuk pour vous tout au long de la saison. On va checker ça. C'est notre radar pour le reste de la saison 2016-2017. Yes. On va vous tenir prêt. Ben ouais, il faut être au courant de ces affaires-là. Bon, prochain sujet. Hey, c'est le temps d'un vidéo, là, Jeff. Oh. Prochain sujet, c'est un vidéo sur Ryan Miller. Il a probablement fait le save de l'année, je te dirais. Right. Fait que je vous montre ça, tout le monde qui écoute en vidéo. Fait qu'il a comme glissé. Je pense qu'il a fait un mauvais... Il revenait du banc, je pense. Ou je sais pas trop. Puis il a fait un catch de baseball. C'était complètement débile. Contre Détroit, en plus. Contre Détroit. Il s'est laissé glisser sa glace. Puis il a pogné avec la mythe des airs. On va le revoir au ralenti. Là, ben, ou en fait, de plusieurs autres angles. Là. Dans le fond, aussi, c'est comme... Il doit avoir une question de chance, j'imagine. Mais ben ouais, parce que je sais pas où. C'est le timing. D'où il partait, mais regarde, il glisse. Hop! Oh. Juste à temps. Là, peut-être que dans le fond, ce qui arrivait, c'est que. Je sais pas, il enlevait tout le goaler, puis il est arrivé un revirement, puis là, il s'est dit fuck. Ben, c'est ce que ça a de l'air. T'sais, il est comme retourne. Puis, ben, c'est ça. Là, il a fait un esti de slide. Sa dernière séquence, on dirait que. Je sais pas s'il aurait-tu pas mis le net dans le fond, le gars qui a shoté. Ben, ça s'en allait vers le net, je trouve, là, pour vrai. Sa dernière sa reprise, on disait pas, là, mais là. Mais peu importe, c'est malade, quand même là. Tout un arrêt, là. Ouais. Un highlight. C'est déjà qu'à Vancouver, il se passe pas grand-chose. Au moins, c'est là. C'est le jeu de l'année pour nous. Hey, on a-tu dit qu'on a trouvé notre problème tantôt d'audio? Ouais, j'ai dit. Parce que c'est. On a encore notre fan Sylvain Hudon dans le chat qui dit « Hey, c'est cool les extraits vidéo. On est content, on a fait un petit upgrade cette année. Les angles de caméra qui bougent puis les extraits vidéo. C'est pour le monde, ça vous incite à venir nous voir sur YouTube ou Facebook Live. » Exactement, parce que s'il y a des joueurs qui font des affaires épaisses à glace ou des moments cocasses, vous les montrer. On va vous le montrer, esti. Comme le prochain d'ailleurs, c'est exactement ça, JF. Ah. Ben, c'est plus ou moins de sa faute, tu sais. Vous regarderez bien la séquence au début, c'est Ryan McDonough, il reçoit devant le net, je pense qu'il reçoit un bâton élevé direct dans les yeux ou dans la face, fait qu'il ne voit plus rien, il ne sait plus où il s'en va, puis ben ça a donné ceci, fait que on le voit, là, il se déplace, il se tient la face, puis il a mal, puis il se laisse glisser, puis il est comme « Aïe, aïe, aïe, donc, aïe, aïe, mes yeux, aïe, aïe, mes yeux ». Aïe aïe ma tête. Hey, ça c'est un gars qui a eu genre 3 commotions dans sa carrière à date puis il fonce directement à sa bivitrine. Pour vrai, il y a eu 3 commotions avec Donald dans sa carrière. C'est lui parce ça. Que ça c'est le gars qu'on a premièrement donné aux Rangers pour Scott Gomez, mais à raison de ses commotions, c'est triste à dire, mais ce gars-là ne sera plus le joueur qui était là, ça commence à régresser déjà pour. Mais quand on le voit, il y a soit un bâton élevé de numéro 12. La fois il l'a reçu sur le nez, mais à un moment donné, c'est parce que il regarde la tête. Hey, ça te fait mal en Christ, la shot sur le nez. Mais c'est parce qu'il se laisse glisser. Puis il est comme, aïe aïe, sacrament, j'ai mal à la face. Puis c'est pas. D'après moi, il avait l'impression qu'il s'en allait vers le banc. Puis il a pas. Ben, tu sais, mais non. Le monde sur le banc, sont debout. Ah ouais, qu'est-ce que tu fais, man? Imagine le gars devant qui le voit arriver puis rentrer en tête dans la banque. C'est merveilleux, là, pour c'est comme, il le fera pas. Boum! Ah, ok, je vais aller l'aider. Il est allé l'essuyer. Genre, dans le fond, c'était drôle. il était chaud, c'est-tu. Pas drôle s'il y a eu plein de commotions puis qu'il rentre tête première dans la bande. Ah, ça fait après, avoir reçu un bâton dans la face. Là. Pauvre gars. Hey, hey, hey. Et un autre gars qui n'est pas chanceux, Brian Bickle, on a appris ça aujourd'hui. Ouais. Il souffre de la sclérose en plaques. C'est triste. C'est un gars qui a roulé sa bosse quand même. Il n'a pas eu une carrière facile, Bickle, déjà depuis le début. Il a bougé pas mal d'équipes, là, il me semble. Ben, dans le fond, il a commencé sa carrière à Chicago. Puis, il n'a pas vraiment bougé d'équipe, dans le fond. C'est parce qu'à Chicago, c'est un gars de quatrième trio. Puis quand les Blackhawks ont gagné leur dernier Coupe Stanley, si je me trompe pas, Bickle, il avait gagné genre 10-12 buts à peu près dans les playoffs. Ouais, ouais. C'était comme le héros de ces... C'était comme la belle découverte. Puis après ça, Chicago lui donne un contrat, je pense, quasiment de 4,5 millions par année. Puis depuis qu'il y a eu ce fameux contrat-là, il n'a jamais été capable de répéter ses exploits. Fait que là, il s'est retrouvé dans la Ligue américaine l'année passée. Il a pris le boss, puis après ça... Ils l'ont donné carrément aux Hurricanes pour s'en débarrasser de leur salaire et tout ça. Puis là, il essaie de comme, si tu veux avoir un second souffle avec les Hurricanes, mais là, il arrive ça. Fait que c'est dur à dire, ouais, il va-tu comme, tu sais, ça dépend quel niveau qu'il est, là, mais il va-tu pouvoir continuer, tu sais, dans le fond, c'est pas facile. Ça dépend, tu sais, je connais un peu ça, la SP, là, pour, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui a ça, puis ça dépend du type qu'il a, puis ça dépend de ses symptômes, ça dépend de ce que ça l'affecte. Parce que lui, ce qu'il disait, c'est que, il y avait eu des symptômes l'année passée en fin de saison, plus c'était revenu. Fait que là, ben, c'est de voir comment il va dealer avec ça, puis comment l'équipe va dealer avec ça. Puis peut-être que sa carrière est finie, peut-être que non. Ça va dépendre vraiment de ses symptômes, je te dirais. Okay. C'est un gars qui est capable de. Parce que le hockey, c'est quand même beaucoup d'énergie, c'est intense. Puis c'est un sport demandant. C'est un grinder qui frappe. C'est un grinder, c'est un gars qu'il faut qu'il déplace de l'air. Fait que si ça le brûle, qu'après une game, il est couché pendant 4 jours parce qu'il a tout brûlé son énergie, ça se peut qu'il décide de faire autre chose dans la vie que d'être joueur de hockey. Peut-être qu'il n'aura pas beaucoup de symptômes et que sa maladie ne développera pas de suite. Fait que peut-être qu'il va rester encore actif avec son équipe. Je sais pas, j'y souhaite là, pour vrai. C'est pas. C'est à suivre, dans le fond. C'est ça, c'est un des joueurs que Bergevin avait repêché à l'époque. Ah ouais, un autre. Un autre de ses protégés. Ça, il a normalement repêché des joueurs. Là, on pense qu'il n'y a rien, mais dans le fond, Bergevin a repêché une couple de petites perles rares. Là, avec sa barbe napolitaine. Brandon Saad, entre autres, c'était un de ses jeunes silos. Philippe Danault. Philippe Deneau. Ouais. Troisième et dernier extrait vidéo. Là, on nous dit que ça coche les extraits vidéo. C'est pas que ça coche, là. Je n'expliquerai pas comment ça marche le frame rate, là, mais on les pogne où on peut nos extraits vidéo, puis ils sortent de la qualité qu'ils sortent. Fait que c'est déjà beau qu'on puisse le faire, là. Mais c'est pas un bug technique, c'est qu'ils sont comme ça. Je les ai trouvés des places, des fois. C'est des screen capture, des sortes d'affaires, là. Ouais. C'est pas évident de chercher des vidéos dans NHL, là, sans se faire barrer pour copyright. Fait que. Ah, ok, excuse-moi. C'est Sylvain Hudon qui nous dit. Il me dit pas que ça coche. Il me dit c'est sur la coche. Ah, ok. Merci Sylvain du commentaire. J'ai quasiment été inquiet pendant 2 secondes. Fait que le troisième, ça concerne un ancien du CH. C'est pour ça qu'on l'a mis. Allez, on l'aime en esti. Notre ami Tom Gilbert. La pieuvre. Le mur. Le con. En tout cas, petit Tom a été suspendu pour 3 games. Le gars inutile. Puis c'était un beau cross-check d'en face. On va le checker d'ailleurs, la vidéo. Là, il faut examiner plusieurs affaires. Premièrement, les patins. Le coup, les patins, ils ont levé. Hein? Ben, les deux patins sont levés. On voit le coup qui est porté directement sur la tête aussi. Épaule à tête, épaule, tête, épaule, tête. C'est direct. On va voir. Là, on le voit d'un autre camp. Là, on va voir pas mal plus peut-être le l'angle de l'épaule, tu sais. Ah, tu sais, de cet angle-là, il rentre pas dans la tête. La tête, il tape sa bande. Mais quand même, de l'autre angle, tu vois clairement que les patins, ils lèvent, tu sais. Est-ce que trois games de suspension, c'était mérité, c'était pas mérité? Ah, il te le rentre. Non, il te le rentre sur la tête pour vrai. Solide, dans le fond, c'est ça. C'est mais son gars, épaule, le gars, qu'est-ce que ses patins, là, il touche même pas à la glace en ce moment. Fait. Ben non, c'est ça. Ben, premièrement, pourquoi tu faisais pas ça à Montréal? Je sais pas que c'est correct, là, mais... Ça me surprend un gars comme Tom Gilbert. C'est pas un joueur salaud en temps normal, mais là, c'est comme tabarnak. Ah, c'est violent, puis vraiment, là, les deux patins. Bon, en tout cas, les trucs à prendre en compte dans ce genre de coup-là, c'est l'impact, la blessure, puis l'historique du joueur. Mais l'affaire qui m'a surpris quand j'ai vu la nouvelle, là, c'est que je me disais, Tom Gilbert est encore dans la Ligue nationale. C'est comme, qu'est-ce qu'il fait? Les Kings l'ont signé. C'est les Kings, ils essayent tous nos cacas, là, genre, dans le fond. On s'est rendu avec Peter Boudet et Gilbert, genre. Ah ouais. Les Kings ont gagné genre deux coupes dans les cinq dernières années. Hein. C'est comme, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est ça qui arrive, là, lui. Il se lève les patins et il rentre des épaules dans des têtes directement dans la baie vitrée. C'est dégueulasse. Puis JF, dernier sujet pour la dernière petite minute et demie qui nous reste pour le podcast ce soir. C'est le CH qui va affronter Chicago dimanche. Ouais. Tu as marqué anecdote salée du passé. Ouais, parce que mon nettoyeur qui repasse mes chemises. Là. Parce que dans le fond, il me disait qu'à l'époque, c'était une tradition que le Canadien joue à Chicago le dimanche. Dans une date précise ou juste le ben, dimanche? Dans le fond, c'était comme mettons, le hockey du samedi soir, mais dans le temps qu'il n'y avait pas beaucoup d'équipes, ben, les Canadiens jouaient souvent contre Chicago. Puis dans ce temps-là, ça prenait pas l'avion, ça prenait le train. Puis les anecdotes que lui avait entendues dans le temps, là, c'était que quand il prenait le train, écoute, un train à Chicago, c'est quasiment 12 heures, là, je crois. Ah, oh, ben c'est, ouais, c'est une bonne traite. Là. Mais ça a l'air que les gars. C'est 6 heures Montréal-Toronto, fait ouais, ça se pourrait. Ça a l'air que ça buvait comme des crises de cochon dans le train. Oh, mais en quelle année tu parles? Là? Ben, mettons, c'est comme dans le temps du train. Là, Chicago, on joue souvent. Fait que dans ce dos, peut-être, mettons, je dirais 70. Le temps de Yvon Lambert, là, c'est-tu, puis. Mais c'est ça qu'il me contait. Puis il disait, ouais, les gars. Puis ça a l'air qu'on. C'est clair que c'était chaud. Je sais pas si c'est vrai, mais mettons que c'était tout le temps des matchs difficiles à Chicago. Ouais, mais t'as vu les vidéos dans le temps aussi de ça, là. C'était une autre époque puis une autre vitesse de game. Les gars n'avaient pas besoin d'être aussi rapides puis ils pouvaient roter leur bière un peu sur le banc entre les périodes. Non, mais ça me faisait rire. Dans le fond, c'est comme tabarnak parce que 12 heures de train, là, c'est 12 heures pour boire. Là, c'est comme... Tu sais, c'est comme tabarnak. C'est des assis de cochons. Là, parce que t'arrives vraiment à scrap à la game après ça. Mais oui, t'arrives. Mais ça, c'est 12 heures de train, tu joues à Chicago le soir. Genre, c'est comme, ok, mais tu t'en vas à l'hôtel dégriser un peu, puis après ça, t'embarques ça à la glace. Là. De toute façon, arrivé chaud au game, il y a juste nous autres qui fait ça ici. C'est le moment que je te finis la troisième période et le podcast, c'est... mais il nous reste tout le temps le fameux fabuleux call-out. As-tu un call-out pour nous aujourd'hui, Jeff, de préparer? Ouais, je te dirais un 2 en 1. Ça sera short and sweet. Là. Parfait, fait qu'on va te mettre ton thème des call-outs. Vas-y. J'y vais avec un petit duo aujourd'hui, là. Le petit Desharnais puis Max Pacioretty. OK, tout le monde sait que j'aime pas le petit Desharnais. Là, je pense que ta carrière est terminée, mon ami. T'es petit en crisse. Ça n'a pas de sens. T'embarques dans la zone offensive, tu te parques sa ligne bleue, tu cherches ton chum Pacio qui est mou comme la marde, puis là, après ça, tu te dis « Ah, oh, je vais me fermer les yeux puis je vais espérer qu'il marque un but. » Mais là, Pacio ne marque plus. Puis toi, tu produis plus. T'es payé pour scorer des buts, esti d'imbécile de calice. Tu mérites ta place dans les estrades. Puis dans les estrades, je suis sûr que tu joues à Pokémon Go en plus, mon petit tabarnak. Puis tu connais même pas les règlements, fait que faut que tu textes ta blonde, esti, pour qu'elle te l'explique. Ta blonde, là, c'est une fille qui est sur le party tout le temps. Toi, t'es pas un petit gars tranquille. Selon toi, Radulov, il est hyperactif. Toi, là, t'es même pas hyperactif, esti. T'es blanc. T'es rien. T'es dégueulasse, esti. Vraiment, là, je suis heureux que l'année prochaine, tu vas te retrouver sur le BS, puis peut-être tu vas pouvoir te promener dans les coulisses de Éric Salvaire, puis te dire de la merde comme d'habitude, ou peut-être tu vas même faire un show de peinture ou bien un show de cuisine. On s'en calisse de toute façon, puis peut-être que Random va revenir juste pour toi. Pacioretty. Pacioretty, là, t'es supposé marquer des buts, Mais là, c'est rendu dégueulasse, esti. Le C, là, tu me fais honte, tabarnak. Peut-être que Terrien ne l'a pas dit que tu étais le P-Capitaine. Je dirais pas que tu es le P-Capitaine non plus. Mais tabarnak, tu joues comme une hostie de graine. Pequi, t'as-tu prêté sa jupe, esti? C'est rendu dégueulasse, tabarnak. J'ai honte de toi. Esti, t'as aucune hargne. Tu t'en calises, puis les playoffs vont même pas commencer, esti. Pourquoi tu penses que Team USA voulait rien savoir de toi? Là, on n'est pas ni avec toi, tabarnak. J'ai comme l'impression qu'éventuellement, tu vas te faire échanger, puis ça va être bon débarras, esti. Ça va t'apprendre de marier des Russes, esti d'imbécile. Non, c'est vrai, il a marié une Russe, la sœur de Maxime Anfinogenov. Pour vrai? Ah ouais, je suis à la bosse. Ouais, c'est rendu elle. Avec des gros potins, c'est débile ça. Ouais, ben encore là. c'est ton gars qui pose le bardeau sur ton toit, ça? Ouais, c'est ça. Puis Pacho, concentre-toi sur ta game, lâche Battlefield, tabarnak, asti. Tu te fais toujours planter, tabarnak. C'est dégueulasse. C'est un gros gamer, hein, Pacho, tu le savais? Ouais. C'est pas ton gars qui pose les planchers, ça, qui a dit ça, que c'est un gros gamer? Ouais, c'est ça, il avait spoté, parce que maintenant qu'il pose les planchers, mais lui, il game de l'après-midi, genre, il ne fait que ça, gamer. Puis quand il arrive sur la glace, c'est-tu, il est mou comme de la merde. Ben là, il est comme déconcentré parce qu'il s'est fait tirer par un kid de 3 ans. Il pense à sa game de Call of Duty pendant qu'il est sur la glace, c'est ça? Ah, probablement. Il pense à son kill-death ratio. Pacho, il rentre sa troisième ligne. Oui, ah ouais? La ligne à Dano, c'est tagué troisième ligne. Fait que Pacho, tu joues sa troisième ligne, tabarnak! C'est comme... C'est n'importe quoi. Byron est sa première, Pacho sa troisième. Non, techniquement, je devrais dire que Byron est sa deuxième parce que la première ligne, selon la manière que c'est pacé, là, pour le temps de glace, c'est Plekanec, Adrigato puis de Brandon Gallagher. C'est eux qui ont eu le plus de temps de glace, pas l'année passée, mais hier. Chucky, c'est le deuxième trio. Et puis la troisième ligne, c'est Dano, Pacho, puis l'autre cave que je me souviens plus. C'est qui. Ouais, il fait dur le top 6 un peu. Hein. C'est dégueulasse. Ah oui, c'est ça, c'est Shaw qui fait partie de là, ton préféré. Tabarnak. Lui, il faut qu'il se place aussi parce qu'il ne fera pas long feu à Montréal. C'est... Il est mieux parce qu'on l'a signé à long terme pendant 6 ans. Là. C'est 6 ans le contrat qu'on lui a donné. Puis c'était pas donné. Là. Est-ce qu'il est bon pareil, Bergevin, pour signer des jambons à long terme? Ben, c'est parce qu'il l'aime, il l'a repêché. Fait que dans le fond, c'est son petit partner. On va lui laisser une chance, il faut qu'il se place. Là, mais il va faire un petit tour dans les estrades comme Dernest, ça continue. Je sais pas si ça va aller jusque-là, mais d'après moi, ça va se replacer. Puis Sean, on va peut-être l'aimer quand ça va être le temps des playoffs. Là. Peigne ta moustache, mon petit Andrew. Ouais, réveille-toi demain, on va être là. On va le brosser un peu, genre, pendant le réchauffement. Sean! Comme des Simpsons. Daryl avec Daryl Strawberry. Ah oh ouais. Mais dans le fond, c'est ça. Tu dis qu'il y a une moustache rouge, ce gars-là. Ah oh ouais, c'est vrai, une petite moustache roublon, là, vraiment comme quasiment transparente. Là. C'est weird. C'est quoi ta blonde et rousse? Alors, sur ça, on vous invite à suivre la soirée du podcast sur Facebook et Twitter. Twitter, @soirée du podcast. Facebook, c'est la soirée du podcast, la page. Ouais. Et là-dessus, on poste toutes sortes d'affaires, là, des niaiseries, puis des nouvelles qu'on voit passer. Des beaux mèmes avec Michel Therrien qui est donc en forme de son début de saison. Ouais. Puis sinon, ben, on va se revoir dans 2 semaines avec l'équipe régulière. Combien de défaites on va avoir d'ici là? D'après moi, on va en avoir au moins 1 ou 2 dans ça. Sinon, je vais commencer à y croire pour vrai à la coupe, mon gars. On va ouvrir le champagne, esti. Amène la Jameson. On va sabrer des bouteilles de Jameson dans le studio directement, esti. Fait qu'on se revoit dans 2 semaines avec l'équipe complète. À la prochaine, tout le monde. Ciao.